adorer ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Tu aimes Beethoven? Tu peux pas vraiment dire. Tu vas voir, j'attends juste. J'avoue ça j'aime aussi, mais ça me gêne aussi. De supprimer tes potes, appelle-moi génocide. Je vais donner ce qu'ils veulent, la symphonie qu'ils adorent. Je vais fermer tes gueules aussi vite que les portes des majors. Chacun sa chance, la mienne vaut de l'orchestre. Claire et grosse caisse pour manier mon orchestre. Orchestre qui fait courir les DJ au hall. Tout simplement si le vinyle d'Arctic Sosa et Hall. Et à tous ceux qui ont voulu nous foutre au fond du gouffre. T'es déçu, ça se voit et tout, et au fond du souffle. Au fond tu sais qu'on a les armes, je te l'avais dit. Ma peau est blanche comme la croix de Monte Carlo, y'a rien d'inédit. J'arrive de nulle part et partout on peindra de nous. Protège tes bas comme à l'époque, le ou crier protège ton cou. Demande à Arctic Sosa et tu verras la mort en face. Demande à DJ Soub et t'auras des remords en scratch. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant. Toi, tu n'aimes pas Beethoven. Tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr. Mais pour ce genre de boulot, c'est un peu trop léger. C'est pourquoi j'ai opté pour la grosse artillerie. Un nouvel inédit qu'on lâche dans les bâtons qui se provoquent. En taille d'armes blanches régulant toutes les équivoques. Si je n'avais que ces rimes pour dire qu'il y a réel malaise. Des petites embrouilles de quartier de bourg jusqu'au plus balèze. C'est ouvert. La solution la plus simple qu'est l'arme. Pleurant sur leur propre sort, avalant leur propre larme. T'attends d'une provoque, conduisant vers l'explosion. Mais gars, on jeune marmot, on arrive vite au stade de l'éclosion. Coup de gâchette, pour un boutique qu'on refuse d'acheter. On prend les armes, on règle ça avec la plus appropriée. Fuck, il ne tient qu'à rien, ton sang se glace. Hélas, on oublie trop souvent que d'éclairer tu m'aimes pour une tasse. On n'est pas là pour jouer les médisants, ni le radeur, ni pour relever le défi des soi-disant provocateurs. Mais si tu donnes un rendez-vous pour un bon clash, vas-y bien armé, et surtout mec, ne fais pas le lâche. Le fusil à lunettes, c'est la première arme qu'on doit apprendre à utiliser. Parce que c'est la seule qui permet de rester suffisamment loin du client. Le couteau, par exemple. C'est ce qu'on apprend toujours en dernier. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant. On a le souci du détail comme les types du fisc. Dis-moi qui veut qu'on détale après tout, qu'est-ce qu'on risque. On rate depuis début dans le sens avant et sans le savoir. On est conscient et ça sans être savant.